mesurer la popularité de l'expérience de pensée dite du chat de Schrödinger, il suffit de taper l'expression dans un moteur de recherche pour tomber sur une photo de chat dans un panneau de western type Wanted, recherché chat de Schrödinger, mort et vivant. La notice chat de Schrödinger arrive même devant celle de son créateur. C'est dire l'importance pour le grand public de cette expérience de pensée qui permet de manipuler simplement l'univers très complexe à appréhender de la mécanique quantique. Mais au-delà du chat, qui était Erwin Schrödinger? Quels sont ses apports à la physique quantique qui lui ont valu en 1933 le prix Nobel de physique? Erwin Schrödinger, l'homme derrière le chat, c'est le voile que nous allons tenter de lever dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour revenir aux origines de la physique quantique et sur la vie riche, pleine et dense d'Erwin Schrödinger, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Charles-Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée et auteur de Schrödinger à la plage, la physique quantique dans un transat, c'est aux éditions Dunod. Et face à vous, Michel Bidbol, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en philosophie des sciences, directeur de recherche CNRS aux archives Husserl, de l'école normale supérieure. Vous êtes traducteur d'Erwin Schrödinger, notamment L'esprit et la nature, Nature et les Grecs, ou Physique quantique et représentation du monde, dont vous signez également l'introduction, c'est dans la collection Point Science. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé ou en podcast, et en parallèle via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Pour commencer, quoi de mieux pour réhabiliter l'homme sur le chat que d'entendre sa voix, ici un enregistrement de la BBC en 1949. Écoutez la voix d'Erwin Schrödinger en ondes. Au tout début des sciences physiques, nous pensions avec la ferme conviction que tout ce qui arrive est gouverné par des lois invariables qui sont la cause des événements. Le premier physicien atomique était Leucippe, un contemporain de Socrate du 5e siècle avant Jésus-Christ. De lui, seuls deux proverbes sont restés. Le premier, qu'il refusait de croire que le soleil bouge et que les étoiles sont des êtres vivants. Et le second qui nous concerne, que rien ne se passe sans cause, mais que tout arrive par raison et nécessité. Charles-Antoine, c'est vous qui nous avez orienté vers cette archive d'Erwin Schrödinger, pourquoi ? Alors tout d'abord parce que Schrödinger, comme on peut l'entendre dans cette petite extrait audio, était très à l'aise en anglais parce que il avait donc il est né en 1887 à Vienne en Autriche et il avait une grand-mère maternelle qui était anglaise et donc en fait il était très rapidement très à l'aise en anglais et en allemand. Et d'une façon générale, il était polyglotte. Après, durant sa carrière, il a pu s'exprimer et faire des cours directement en français, en allemand, en espagnol même. Et en anglais, bien sûr, il a vécu en Angleterre et il a fait beaucoup de conférences aux États-Unis. Et donc, oui, Schrödinger est un personnage, comme Michel Bidbol pourra le confirmer, mais un personnage très attachant, passionnant. Et c'était tout naturellement que je me suis tourné vers Schrödinger quand on m'a demandé d'écrire un livre sur quelqu'un qui représentait la physique quantique. Alors Einstein était déjà un peu pris par la relativité, mais on aurait pu tout à fait faire un livre sur Heisenberg, sur Einstein pour parler de la physique quantique. Aussi, mais Schrödinger est passionnant. Michel Bidbol, sur cette archive et sur Schrödinger un peu en termes introductifs. Alors vous avez entendu d'ailleurs dans cette archive qu'il ne parle pas de science, qu'il ne parle pas de physique, mais qu'il parle de philosophie grecque et de philosophie grecque, disons à l'époque de Socrate. Pré-socratique. Et ça c'est pratiquement l'une de ses marques de fabrique. C'était en particulier et aussi un philosophe. C'est quelqu'un qui dès sa toute première jeunesse, dès ses années de lycée, lisait couramment des ouvrages en grec et qui lisait également de la philosophie indienne dont il puisait les informations dans la bibliothèque de son père qui avait pratiquement tous les textes disponibles dans sa bibliothèque au sujet de ces deux grandes traditions philosophiques de l'humanité. On dit souvent des grands scientifiques qui ont marqué l'histoire des sciences, que ce sont des esprits à part, des esprits singuliers. Le terme iconoclaste pour Schrödinger est extrêmement justifié, c'est presque une sorte de définition de cas d'espèce, Charles-Antoine. Ah, tout à fait, oui. Schrödinger, il était iconoclaste, il était un libre penseur, quelqu'un de non conventionnel dans tous les domaines, y compris le domaine amoureux. Donc c'est pour ça que j'en parle un peu dans le livre, c'est assez amusant. Et d'ailleurs, ça lui a valu quelques problèmes dans sa vie. Ses mœurs, c'est un petit peu libéral, on pourra dire, puisqu'il avait une femme et puis une maîtresse officielle, et qu'il était, d'une façon générale, on pourrait dire dans le vocabulaire d'aujourd'hui, qu'il était polyamoureux. Mais sa femme aussi, Annie Bertel, qui est devenue Annie Schrödinger, avait également le même comportement, les mêmes mœurs, et ça lui a posé problème quand il a voulu fuir l'Allemagne nazie en 1933-34, qu'il est allé, donc il était à Berlin à ce moment-là, et donc il a fui, parce que lui il est autrichien à l'époque, il n'y avait pas encore l'Anschluss, faisait partie de l'Allemagne, et il est parti de Berlin, il a fui, il est arrivé à Oxford en Angleterre, où il a été accueilli évidemment avec tous ses honneurs, mais son ménage à trois avec sa femme et sa maîtresse passait mal dans la société puritaine anglaise. Il allait aussi aux États-Unis, il était évidemment invité à Princeton aussi, et idem, ça a été un peu compliqué. Il était obligé de revenir en Autriche avant de s'exiler complètement en 38-39. Et ça fait partie du personnage, oui, il est donc, mais dans tous les domaines, et dans le domaine scientifique bien évidemment, et alors d'un point de vue psychologique, je sais pas, il faudrait creuser, peut-être Michel Bilbao le connaît mieux que moi, mais vu qu'il est né dans cette Autriche-Hongrie qui était une mosaïque de peuples à la fin du 19e siècle, et qu'il était voilà de la petite bourgeoisie avec des parents très ouverts, une famille très ouverte, très aimante, très au niveau culturel, il était passionné par plein de choses, il aimait beaucoup le théâtre, il aimait beaucoup la musique, il est, comme disait Michel Bilbao, la philosophie très tôt, les langues, et donc il avait naturellement presque cette ouverture d'esprit qui était conforme à son époque, et il l'a gardé toute sa vie, il était non conventionnel, et par moments, il y avait plein d'anecdotes, j'en parle un petit peu dans mon livre, mais plein d'anecdotes sur le fait que, à l'université, quand il était professeur, il se faisait souvent prendre pour un étudiant, parce qu'il s'habillait pas comme les autres, professeurs, il arrivait des fois à des conférences parce qu'il aimait beaucoup la marche, la randonnée, donc il faisait des fois une journée de marche avant d'arriver à une conférence, et donc il arrivait en sueur et avec son sac à dos, et il se faisait refouler avant que Einstein ou quelqu'un d'autre vienne voir la personne à l'entrée pour dire non, vous inquiétez pas, c'est le grand Schrödinger. Et donc, voilà, il avait, et ça c'est l'extérieur, mais l'intérieur aussi. Il était vraiment, il avait une pensée libre. C'est vraiment, Michel Bilbao a vraiment des notions très importantes pour lui qui sont la clôture et l'ouverture, et lui c'est vraiment le symbole de l'ouverture en termes scientifiques et philosophiques. Michel Bilbao. Tout à fait. Oui, effectivement, comme vous dites, Charles, c'était quelqu'un d'extrêmement original. Et l'une de ses originalités, je dirais, elle est politique. Alors, d'abord, son originalité commence déjà à se manifester dès une photo. Une photo qui a été prise au congrès Solvay de 1927, ce congrès absolument capital qui a décidé de l'interprétation de la mécanique quantique. Dont on va reparler dans quelques minutes, voilà. Évidemment. Donc vous aviez tous ces auteurs, vous aviez Einstein, Bohr, Heisenberg, etc. Et vous regardez la photo, ils sont tous en noir, avec une petite cravate, et vous avez une petite tache joyeuse, claire, c'est Schrödinger avec un joli nœud papillon. On va vous trouver la photo, on va la mettre sur le fil Twitter de l'émission pour que vous puissiez la voir. Ça, c'était une petite marque d'originalité, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, comme je vous disais, lorsqu'il s'est agi, ainsi que l'a dit Charles, de fuir l'Allemagne nazie, ça s'est passé d'une façon très particulière. Il n'avait pas, évidemment, Schrödinger n'avait pas une sympathie particulière pour le nazisme. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il se promenait dans les rues de Berlin et un jour, il a rencontré certains de ses étudiants qui étaient en butte aux attaques des SA. Donc, vous savez, les précurseurs des SS. Et il a vu que ces étudiants étaient battus par les SA sous prétexte qu'ils étaient juifs. Ça lui a suffi pour dire qu'il ne pouvait pas supporter de rester dans un pays pareil. Il a d'abord pris d'ailleurs leur défense à ses risques et périls. Il a pris quelques coups de poing sur sa tête. Et dès qu'il a vu ça, c'était vers février 1933, il a dit à son épouse « Nous allons partir, nous n'allons pas rester là ». Il a fini quand même son semestre d'enseignement, parce qu'il tenait quand même à faire son devoir. Et à l'été, il a pris sa voiture et il est parti. Et c'est comme ça qu'on le retrouve à Oxford. Il a refait la même chose d'ailleurs lorsque, en 1938, alors qu'il était en Autriche, il a vu débarquer les troupes allemandes qui accomplissaient l'Anschluss. Là, les troupes allemandes l'ont immédiatement inquiété, pratiquement dans les deux journées qui ont suivi l'arrivée des troupes hitlériennes en Autriche. La police, la Gestapo l'a immédiatement trouvé en disant « Ah, il semble bien que vous n'aimiez pas le nazisme ». Et lui, on l'a menacé de l'envoyer dans un camp. Et il a fini par craquer un petit peu en disant « Écoutez, moi je vais signer une lettre, si ça vous satisfait ». Pour déclarer que je suis très content que les troupes allemandes aient fait l'Anschluss. Grâce à cette lettre, il a pu être libéré. Et dès le lendemain, il a pris sa voiture à nouveau. Et il a franchi la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Mmh. Il a déboulé le long de toute la botte italienne, est arrivé à Rome. Et là, a trouvé refuge grâce à ses connaissances au Vatican. Et c'est là qu'on l'a en quelque sorte exfiltré. Vers l'Irlande. On va revenir un peu sur ce parcours. Peut-être un mot pour redire un mot des tout débuts, pour reprendre les choses un peu dans l'ordre chronologique. Il est éduqué, son père, hein, vous l'expliquez bien, Charles-Antoine, dans le livre, a une importance cruciale dans sa méthode d'apprentissage, dans son premier rapport au monde, à la connaissance, au savoir. Il est éduqué chez lui jusqu'à l'âge de 11 ans et il va louvoyer entre la physique et la philosophie jusque très tard. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Vers 23 ans, en 1911, il découvre, en tout cas dans nos traces historiques, il découvre Schopenhauer et donc la philosophie. Et il se plonge dedans et comme disait Michel Pitbull, à plusieurs moments dans sa vie, il a franchement hésité, a carrément basculé dans le domaine de la philosophie et a abandonné la physique. Par exemple, en 1925, c'était très drôle parce que c'est l'année où l'année vraiment cruciale où il a failli basculer et finalement il a. C'est l'année des équations. Voilà. C'est très bien. Très importante. Mais sinon, donc oui, 1900, les premières années. Donc il est rentré à l'université en 1906. Donc un an après la célèbre année d'Einstein avec ses papiers de son année miraculeuse là. Et il était très déçu en fait parce qu'il est rentré quelques mois après la mort de Boltzmann, le suicide de Boltzmann, qui était donc le père de la physique statistique, une théorie à l'époque qui faisait beaucoup débat parce que Boltzmann s'est suicidé parce qu'il était en conflit avec Mach. C'était sur la réalité des atomes pour expliquer les liens entre thermodynamique et mécanique. Et la physique statistique. Et donc, Schrödinger était un peu déçu. Mais en fait, on se rend compte après coup, évidemment, que c'était un mal pour un bien, parce que Boltzmann était très vieillissant et peut-être n'aurait pas eu le même impact que son étudiant, qui a donc joué le rôle de mentor pour Schrödinger et qui était Hasenhorl. Il a eu deux mentors. Il y a Exner et Hasenhorl. Il y en a un. Hasenhorl, c'était plutôt sur les aspects théoriques. Et puis Exner, sur les aspects plutôt expérimentaux, même si Schrödinger était pas du tout un expérimentaliste, il était théoricien dans l'âme, mais c'est ça qui finalement lui a permis, par exemple pour cette fameuse équation, ce Hasenhorl lui a donné les clés mathématiques, les outils pour résoudre des problèmes qu'on appelle des problèmes aux valeurs propres d'un point de vue mathématique qui traitent des ondes. Et donc c'est ça qui lui a permis après, donc 10-15 ans après, d'avoir cette capacité d'établir son équation célèbre qui porte son nom et d'une façon générale, que ce soit le chat, l'équation, la lettre psi qui représente la fonction d'onde, etc. Quasiment tout ce qu'a fait Schrödinger, et on en parlait un petit peu avant l'émission avec Michel Pitbull, que ce soit ces éléments-là et puis les domaines d'études d'exploration de la physique quantique aujourd'hui, que sont l'information quantique, la biologie quantique, etc. En fait, on se rend compte que Schrödinger est à la base de tout. En fait, il a planté les graines dans quasiment tous les domaines d'exploration d'aujourd'hui. On va arriver justement à ces années 1920, c'est-à-dire à ces années un peu foisonnantes autour de l'avancée, de la pensée, de la formalisation de la mécanique quantique. Peut-être un mot, et parce que ça va être vraiment aussi très très important, on a parlé de l'importance de sa fréquentation de la philosophie, de Schopenhauer notamment, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Pitbull, également de la philosophie et de la spiritualité indienne qui vont beaucoup le marquer, qui sont peut-être pas tout à fait anodines dans sa conception des états superposé. Donc, comme je vous l'ai dit, il a commencé très tôt. Hein. Il a commencé autour de ses années de lycée et de début d'université à lire des textes de philosophie indienne. Et en fait, on se rend compte, et je me suis rendu compte en allant dans sa propre bibliothèque qui se trouvait encore à Alpbach, au Tyrol, accueilli d'ailleurs par sa fille, Ruth Brauneiser, je me suis rendu compte qu'en vérité, il avait dans sa bibliothèque tout ce qui était disponible à l'époque comme traduction allemande et anglaise des textes sanscrits de la philosophie indienne. C'est quand même pas rien. Et annoté de sa main, ce qui est absolument incroyable. De quelle philosophie indienne on parle exactement? Alors, donc c'est les deux grandes philosophies, je dirais, les deux principales philosophies de l'Inde, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Advaita Vedanta. L'Advaita Vedanta, ça veut dire la fin du Veda non-dualiste, ou le but du Veda non-dualiste. Donc une philosophie non-dualiste, une philosophie de l'unicité de la conscience avec le monde et des consciences entre elles. Et puis le bouddhisme, à travers un certain nombre de textes, dont ceux qu'il préférait, c'était ceux de Lafcadio Hearn, ce grec américain qui est allé au Japon, sur le bouddhisme zen. Donc vous avez ces deux massifs qui sont très importants. Quant à Schopenhauer, vous disiez qu'il l'a lu effectivement assez tôt, mais pas très tôt, hein, c'était plutôt vers la fin de la Première Guerre mondiale, pardon. Quand il a lu Schopenhauer, il a eu un choc à la fois de bonheur de voir une si belle philosophie qui lui correspondait tant, et aussi un petit serrement en disant « Mais au fond, si j'avais vraiment lu Schopenhauer avant, je n'aurais même pas songé à faire de la philosophie, car il avait dit tout ce que j'avais à dire. » Donc au fond, c'était sa philosophie. Cette philosophie qui est à la fois post-kantienne, qui reprend, si vous voulez, la philosophie de Kant, d'une façon d'ailleurs très très déliée chez Schopenhauer et chez Schrödinger, mais dans l'esprit d'une confrontation avec les philosophies de l'Inde et en particulier avec l'Advaita Vedanta, avec le Vedanta non dualiste. C'est ça, et le dépassement du principe du tiers exclu aristotélicien qui va... C'est difficile de ne pas y voir forcément un lien avec la formalisation de la mécanique quantique en règle générale, c'est-à-dire de la dualité onde corpuscule et de cette impossible réalisation qui va entraîner toutes les controverses dont on va parler dans quelques instants. Oui, bien sûr, c'est sûr que quand on en parlait un petit peu aussi avant avec Michel Bitbol, quand on regarde les principaux découvreurs et fondateurs de la physique quantique, ils se sont tous intéressés de près ou de loin aux diverses philosophies, aux divers mouvements philosophiques ou spirituels ou religieux, je sais pas comment on peut les qualifier, qui a pu y voir à travers le monde, mais essentiellement dans l'Asie, dans l'Extrême-Orient, pour trouver des réponses, parce que la physique à laquelle ils faisaient face ne correspondait pas à cette logique, alors qu'on attribue peut-être un petit peu trop vite à l'Occident, mais cette logique dualiste sur laquelle tout est quasiment fondé, c'est-à-dire même notre informatique est fondée sur cette logique de 1 et de 0, de vrai ou faux, de noir ou blanc, etc., une logique binaire. Et donc d'aller au-delà, ça a été tout de suite une volonté. Et donc c'est drôle de voir les différents donc fondateurs, que ce soit Einstein, Oppenheimer, Bohm, donc Schrödinger, Heisenberg, etc. Ils ont tous essayé d'explorer par une voie différente. Et donc Schrödinger, oui, il s'est plongé dans la philosophie et dans les Védas et le bouddhisme, mais il les a gardés comme une sorte de toile de fond. C'est très beau parce que il savait vraiment faire la part des choses et il a fait en philosophie ce qu'il a fait en physique, c'est-à-dire il a vraiment creusé, il n'a pas juste lu en superficie. Alors je pense que Michel Bitbol pourra en parler beaucoup mieux que moi, parce que je suis plus scientifique que philosophe. Mais Schrödinger avait vraiment ce recul nécessaire pour vraiment approfondir avant de parler. Quand tout à l'heure je parlais de fermeture et de clôture, cher à Michel Bitbol, c'est ça, c'est cette volonté avant de dire des choses, un peu comme si une sorte de parole qui serait gravée dans le marbre, il voulait vraiment être sûr, et s'il n'était pas sûr, eh bien il ne le disait pas. Donc c'est vraiment cette quête de la, je dirais pas de la vérité, parce qu'on pourrait croire qu'elle existe, il laissait des questions en suspens partout, et c'était vraiment cette démarche qu'on peut retrouver aussi chez Einstein d'une façon différente, mais de libre penseur, par exemple, quand il était tout petit à l'école, un exemple très simple, il n'aimait pas du tout apprendre par cœur. Et pourtant, il était un fondu de théâtre et de langue, et donc il a appris de poésie, il a appris des tonnes de choses par cœur. Mais quand on le forçait à apprendre par cœur, il ne voulait pas. C'est-à-dire qu'il était capable de rentrer, de s'imprégner d'un domaine, mais il voulait être libre. Et en fait, c'est vraiment ça, une libre pensée et une chose intensément libre dans sa vie. Je pense que cette recherche de pour dépasser la dualité, la non-dualité ou la dualité un peu qui surgit de la physique quantique. Michel Bilbol. Oui, alors effectivement, la philosophie, c'est quelque chose qui est très important, comme vous l'avez dit, chez tous les créateurs de la mécanique quantique. Mais plus généralement, c'est très important chez tous les créateurs de nouvelles théories physiques. La physique déclare souvent, ou les physiciens déclarent ne pas avoir besoin de philosophie lorsqu'ils s'avancent dans les situations que Thomas Kuhn a appelées les situations de science normale. C'est-à-dire une science déjà établie avec ses axiomes, avec ses règles et avec finalement son propre mouvement qui l'amène à des applications pratiques ou à des nouveaux modèles qui permettent d'avancer justement dans les applications pratiques. Donc la philosophie n'est pas utile à ces moments-là. Mais quand la physique atteint une situation de crise, là les physiciens ne comprennent plus rien et ils ont besoin de revenir aux principes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fait-on ça? Et non seulement quels sont les principes de la théorie physique, mais ils se posent des questions extrêmement profondes. Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la physique? Et ce qui m'intéresse beaucoup souvent dans les révolutions scientifiques, c'est que la grande révision que font les scientifiques, et les physiciens en particulier, ne porte pas seulement sur les contenus, sur les formalismes, mais aussi sur la nature même de la connaissance. On pourrait dire que la physique au temps de Galilée, non seulement n'est pas la même que celle au temps de Schrödinger, mais l'idée même qu'on se fait du but de la physique n'est pas le même entre ces deux époques. Et Bohr l'explique très bien. Dans le temps, c'est-à-dire au temps de Galilée et de Newton, on décrivait des phénomènes. Au temps de la physique, on prévoit des phénomènes. Ce n'est plus tout à fait pareil. Le sens de la physique a changé. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, tout au long de cette heure, nous parlons de l'œuvre et de la vie d'Erwin Schrödinger. Nous en parlons avec Charles-Antoine et Michel Bilbol d'un point de vue physique et philosophique, si vous avez suivi cette première partie d'émission. On va peut-être, justement, je vais me retourner vers vous, Charles-Antoine, parce que on va relever un peu les manches et on va mettre les mains dans le capot de la mécanique quantique pour redire un peu et comprendre l'apport d'Erwin Schrödinger et notamment de son équation et pourquoi cette équation lui vaut le prix Nobel. D'ailleurs, c'est rigolo quand en préparant l'émission, je revoyais la liste des prix Nobel entre les années 20 et les années 30. 90% des prix Nobel, c'est pour la physique quantique. Quasiment. Oui, exactement. C'était une année, une période vraiment, vraiment exceptionnelle, qui a fait dire d'ailleurs à certains scientifiques de l'époque, a posteriori, de dire que c'était presque facile, tellement ils avaient juste à écrire, à appliquer leurs équations et ils trouvaient un accord terrible avec les expériences et les observations. Et oui, alors Schrödinger. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Schrödinger, mais en tout cas, Schrödinger, il a donc son grand œuvre entre guillemets. Il se situe à plusieurs niveaux, mais donc en 1925-1926. Peut-être reprendre juste redire un peu où on en est. Enfin, c'est-à-dire qu'en 24, il s'intéresse à la thèse de Louis de Broglie, qui commence justement à formaliser cette impossible dualité ou corpuscule. Peut-être en redire un mot pour les auditeurs pour comprendre. Alors voilà. En fait, le cadre. C'est assez drôle parce que Schrödinger en 1922. En fait, Schrödinger, c'était un très bel homme et qui faisait beaucoup de sport, mais il avait eu des problèmes de tuberculose et donc il allait régulièrement dans une station thermale dans les Alpes suisses qui s'appelle Arosa, qui est très très belle. C'est Thomas Mann, le prix Nobel de littérature là, de 1929, qui en parle comme d'une montagne sacrée. Donc il y a vraiment, c'était un lieu très particulier et Schrödinger, déjà en 1922, avait eu l'intuition, il avait quasiment tout fait ce qu'a fait donc de Broglie un an plus tard, en 1923, qui n'a été publié qu'en 1924 grâce à l'aide d'Einstein, puisque de Broglie, le français Louis de Broglie, avait quelques soucis pour publier ses résultats. Et donc c'est assez amusant. En fait, il n'a pas poursuivi Jean Schrödinger en 1922, mais il aurait pu en fait avoir aussi ce fameux résultat de De Broglie de 1923-24. Et donc, qu'est-ce que c'était ce résultat? C'était de pousser le raisonnement d'Einstein de 1905 un peu plus loin. C'est-à-dire qu'Einstein en 1905 avait montré une certaine dualité, ce qu'on appelle la dualité de corpuscule pour la lumière, c'est-à-dire faire un saut conceptuel en disant que la lumière, qui avait été alternativement considérée comme une onde et comme une assemblée de corpuscules, qu'on a appelé plus tard photons, eh bien, Einstein dit, en fin de compte, c'est les deux. C'est-à-dire que dans certaines expériences, on peut voir des photons, dans certaines expériences, on peut voir une onde. C'est-à-dire que cette dualité de corpuscule, il l'a amené pour les photons. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'Einstein a beaucoup, beaucoup travaillé sur la physique quantique à ses débuts, et qu'en 1916, il allait encore plus loin dans cette dualité de corpuscule pour la lumière. Mais en 1923, Louis de Broglie donc l'a étendu simplement à la matière. C'est pareil, d'une façon tellement a posteriori, on s'est dit mais c'est tellement simple, quoi. Tellement de gens auraient pu y penser. Mais voilà, c'est de Broglie qui l'a énoncé. Et donc en 1925, à la fin 1925, donc Schrödinger, qui s'intéressait beaucoup à ce qui se faisait à l'époque, il était vraiment impliqué dans tout ce qui se faisait sur cette physique quantique naissante, parce que c'est la physique quantique, on en a peut-être pas parlé, on a peut-être pas défini ce que c'était, mais c'est une théorie qui a été construite en réponse à des observations et expériences qui n'étaient pas comprises à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. C'est une théorie, contrairement aux autres, qui ne repose pas sur des principes, sur un grand principe. C'est un ensemble de lois, de règles. Certains moqueurs diront un ensemble de recettes, mais cet ensemble de règles ne s'est pas construite très rapidement. Ça s'est étalé sur une trentaine, quarantaine d'années. Elle n'est pas le fruit d'un seul cerveau, d'une seule personne, c'est le fruit de dizaines, d'une multitude de personnes. Et quand je dis multitude, j'exagère à peine, parce que quand on met tout l'ensemble, comme vous disiez là, tous les prix Nobel entre 20 et 40 à peu près. Voilà, exactement. Et donc Schrödinger, donc cette physique quantique naissante avec ce qui a amené Louis de Broglie, c'est cette dualité de corpuscule. Et donc Schrödinger en 1925 s'y intéresse beaucoup. Il y a une première version de cette physique quantique qui est mise en équation par Heisenberg, par Bohr, etc., par toute l'école qu'on appelle l'école de Copenhague au Danemark, et qu'on appelle aussi la version matricielle de cette physique quantique. La mécanique matricielle. Mécanique matricielle, exactement. Et donc Schrödinger, à la fin de l'année, est invité à donner une petite conférence, un petit exposé sur cette physique quantique, mais plutôt sur l'aspect sur ce qu'avait fait De Broglie. Et donc c'est vrai que De Broglie, quand je l'explique aux étudiants, c'est assez simple. Et donc il s'est pris des remarques acerbes de plusieurs personnes, dont Peter Debye, qui était un ponte à l'époque. Et donc Schrödinger a eu mal à son orgueil aussi, mais ça a poussé sa curiosité. Et donc, en fin d'année 1925, il est retourné à Arosa pour une autre cure thermale, on pourrait dire. Donc là, c'est assez amusant si j'en parle dans le livre, parce que ce sursaut érotique, il était avec une femme, une autre femme, une énième femme. Très étrange d'ailleurs, parce que très, très énigmatique, parce qu'on ne connaît toujours pas son nom à cette femme. Qu'il a passé ce Noël à Arosa, et ça a dû suffisamment le motiver, parce qu'il a réussi à établir cette équation. Parce qu'en fait, compte de bas, et la remarque qui lui était faite à Schrödinger quand il a fait son exposé sur les travaux de De Broglie, c'était ok, très bien, vous pouvez. Parce que De Broglie, en gros, dit il y a un aspect ondulatoire qu'on peut associer à la matière, de la même façon qu'on pouvait associer un aspect corpusculaire à la lumière qui était une onde. Donc il étend la dualité onde corpuscule de la lumière à la matière. Et donc quand Schrödinger explique ça, on lui reproche, on lui dit mais qui dit onde dit normalement équation d'onde. Quelle est votre équation d'onde? C'est un peu, on dit childish, il disait c'est un petit peu enfantin ce que vous présentez là. Et donc ça a piqué un petit peu Schrödinger, et donc il a travaillé, il a eu beaucoup de chance aussi, parce que quand il a établi son équation de Schrödinger, donc qui est vraiment célèbre, qui représente la physique quantique, il a commencé par une voie qui n'a pas mené à la bonne solution. Il a commencé par utiliser ce qu'on savait à l'époque, c'est-à-dire la relativité restreinte, donc une équation relativiste d'Einstein, à partir de laquelle il a essayé de déduire cette équation d'onde. Il y est arrivé. Et en fait, il est revenu à une équation qui n'était pas relativiste, donc a priori qui ne devait pas marcher, puisqu'on savait à l'époque que la relativité restreinte devait marcher, devait être le cadre conceptuel de l'époque. Et par le plus, je sais pas, c'était une sorte de malice cosmique, le fait qu'il n'ait pas tenu compte de la relativité, mais qu'il n'ait pas aussi tenu compte du spin qui est apparu plus tard, les deux se compensant, il a obtenu une équation qui, en fait, marche très bien, presque trop bien à l'époque. C'est-à-dire que quand Schrödinger revient de cet hiver 1925-1926, il commence à l'appliquer, cette équation, à tout ce qui lui tombe sous la main, en gros, à appliquer à tout ce que faisaient les gens à l'époque, et il se rend compte que ça marche. Et il publie 6 articles dans l'année, qui sont tous, presque chacun de ces articles pourrait mériter un prix Nobel. Et donc on parle souvent de l'année miraculeuse d'Einstein en 1905, de l'année miraculeuse de Maxwell en 1865, quand il a établi l'électromagnétisme, mais 1926, pour Schrödinger, c'est vraiment l'année qui fait sa gloire. Après, il est invité partout, et c'est ce qui va lui permettre aussi d'avoir le prix Nobel en 1933. Avec Paul Dirac. Peut-être un mot aussi, votre vision justement de cette année miraculeuse, Michel Debol. Alors peut-être que là je dois revenir un tout petit peu en arrière. Charles a très bien dit qu'au début, la théorie quantique, on disait la théorie des quantas à l'époque, et maintenant on l'appelle l'ancienne théorie des quantas, c'est-à-dire celle qui va de Planck en 1900 à peu près, ou 1899, jusqu'en 1924 environ. Donc comme vous l'avez dit, Charles, il s'agit d'une théorie qui est un ensemble de recettes, c'est-à-dire on impose des conditions de transition discontinue, qu'on appelle les conditions de quantification, sur une mécanique qui par ailleurs, ou une théorie physique qui est par ailleurs et continue. Donc on a une espèce de d'association bizarre qui tient pas très bien la route, mais qui donne quantité de bons résultats. Quantité, mais pas tous. Vers le 1922-1924, on a commencé à avoir des sueurs froides parce qu'on s'est rendu compte que l'ancienne théorie des quantas ne marchait pas sur tous les cas. Et en 1924, on avait des déclarations de malaise de la part des physiciens de l'époque. En particulier, il y a une anecdote célèbre, c'est celle de Wolfgang Pauli qui se promenait quelque part vers Copenhague. Et un de ses amis physiciens l'a vu avec un visage extrêmement sombre et il lui a demandé « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre Pauli ?» Et il a dit « Oh !» Comment peut-on être heureux quand on pense à l'effet de Zeeman anormal, c'est-à-dire des effets de structure fine qui est sous l'effet d'un champ magnétique. Peu importe, mais ça donne une idée de la situation psychologique. On n'y comprenait plus rien. Ces situations de crise, comme je vous l'ai dit, sont toujours des situations dans lesquelles on a envie de revenir à la philosophie. Et là, cristallisation. Entre 1925 et 1926, deux cristallisations. La première, c'est donc Werner Heisenberg avec sa mécanique matricielle, mais quelle est sa cristallisation philosophique justement? C'est son principe de retour aux observables. Ce que dit Heisenberg, c'est nous ne pouvons plus faire une sorte de méli-mélo de concepts qui sont mal ajustés entre eux. Nous devons véritablement éliminer toutes ces images de trajectoires qui tout à coup sautent de façon discontinue. Ces trajectoires, vous savez, d'électrons autour des noyaux qui sautent de façon discontinue. Ce que nous devons faire désormais, c'est nous en tenir à ce que nous pouvons observer, c'est-à-dire les spectres d'émission électromagnétique des atomes qui d'après Bohr, se produisent lorsque les électrons font des sauts d'une orbite à l'autre. Et donc, à partir de ce principe de réduction aux observables, c'est un principe épistémologique, un principe philosophique, on ne peut parler de ce qu'on peut observer, eh bien il arrive à construire une théorie qui s'appelle la mécanique matricielle. Ensuite, vous avez Schrödinger, il dit exactement la même chose. Nous ne pouvons pas nous en tenir à cette théorie qui est faite de briques et de brocs, des corpuscules qui sont associés à des ondes sur des trajectoires mal définies, etc. Nous devons tout reconstruire à zéro à partir d'une équation. Équation d'onde, équation de Schrödinger, au début, fin 1925, début 1926. Et là, ce qui est très important, c'est que Schrödinger ne se contente pas, comme Louis de Broglie, d'associer encore une fois de briques et de brocs, des corpuscules avec des ondes qui pilotent le corpuscule. Il déclare que, en fait, la matière est faite d'ondes. Il n'y a plus de corpuscules chez Schrödinger. Les effets apparemment corpusculaires seront produits par ce qu'il a appelé un paquet d'ondes, c'est-à-dire une interférence constructive entre un grand nombre d'ondes qui est relativement localisée et qui donne l'illusion qu'il y a des corpuscules. Pour lui, le monde est fait d'ondes. Et nous avons l'illusion qu'il y a des corpuscules. Ce qui va nous amener à cette fameuse controverse de Copenhague dans quelques minutes. Mais avant cela, peut-être redire un mot intéressant sur cette rivalité qu'il va y avoir entre la mécanique matricielle d'Heisenberg et l'équation de Schrödinger. C'est que finalement, les deux sont arrivés à la même chose par des chemins différents. Une mécanique matricielle qui est très complexe du côté d'Heisenberg et qui ne va pas tellement supporter que Schrödinger, avec cette équation qui fonctionne si bien, vienne lui tailler des croupières, entre guillemets, si je peux résumer ça comme ça, Charles-Antoine. Oui, exactement. Ça a été un petit peu compliqué. Cette école de Copenhague regroupait beaucoup, beaucoup de scientifiques de l'époque, très influents sur la physique quantique. Et donc, c'est vrai que ça a été un petit peu disproportionné. Le combat était un peu inégal au départ. Schrödinger se sentait un petit peu seul. Il a été rapidement soutenu par par Einstein. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Mais en même temps, le fait est que la mécanique matricielle d'Heisenberg était très compliquée pour beaucoup de scientifiques de l'époque. Parce que c'était, il y avait un saut mathématique à faire. Ils n'étaient pas habitués. Aujourd'hui, évidemment, nos étudiants de licence et de master sont très, pour eux, c'est commun de manifester des matrices. B.A.B.A., oui. À l'époque. Et d'ailleurs, par rapport à Heisenberg, c'est vraiment intéressant de voir que si 1905 a été une année miraculeuse pour Einstein, on aurait pu dire la même chose en 1916, parce que ce qu'a fait Einstein en 1916, c'est incroyable. Il a évidemment publié son grand œuvre, La Relativité Générale, mais il a également publié un papier sur les processus d'absorption et d'émission de lumière, en proposant un autre mécanisme qui a donné l'effet laser, qui est présent partout autour de nous. Et puis, saut conceptuel qui a beaucoup inspiré Heisenberg, c'est qu'il a changé justement ce que disait Michel Bitbol. Einstein, à ce moment-là, a imaginé qu'on pouvait décrire complètement, c'est l'aspect complet qui est important, c'est se dire finalement on peut décrire complètement ce que l'on sait de quelque chose, d'une matière, simplement par ses observables, c'est-à-dire ces quantités qu'on peut observer, qu'on peut mesurer. Et finalement, peut-être qu'on peut se restreindre à ça, dans un premier temps, se dire, finalement, la réalité, qu'est-ce que c'est? Et donc, je suis complètement d'accord avec Michel Bitbol, dès qu'il y a une crise, et c'est ça qui est passionnant, c'est que ça force les scientifiques à se poser des questions et sur des choses qui semblaient évidentes. Et donc, Einstein a construit des tableaux de nombres qui après vont être reconnus comme des matrices, de la même façon qu'Heisenberg a fait la même chose. Oui. C'est Michel Bitbol, oui. Oui, tout à fait. Oui, Heisenberg, oui. Heisenberg, vous avez dit Einstein. Einstein, il a fait des tableaux de nombres aussi en 1916 pour les processus d'absorption et d'émission, mais après Heisenberg s'en est inspiré. Et je suis complètement d'accord avec Michel Bitbol sur le. On revient un petit peu, je sais qu'on s'écarte un peu de l'historique, mais par rapport à la physique quantique et à ses crises, à ses révolutions, j'en parle un peu dans le livre, mais vraiment la physique quantique, s'il y a bien une chose dont elle est le symbole, c'est la fin des certitudes. Elle a amené progressivement à la fin des certitudes sur quasiment tout. Certitudes sur ce qu'on pouvait savoir du temps, de l'espace, de ce que c'est que la matière, de la stabilité, de la permanence, de la dépendance ou de l'interdépendance, de la notion de vide, finalement de toutes les notions et de notre rapport au monde, de notre justement la physique quantique met le doigt sur, comme disait Michel Bitbol, sur est-ce qu'on a affaire à un monde objectif ou est-ce que finalement le monde ne se construit pas par une relation entre l'observateur, mais objectivé par l'observation. On va y revenir parce que c'est justement la fameuse controverse que je vous vends depuis 10 minutes. On va y aller, mais un peu de musique d'abord pour souffler. Walking down the street, swinging her hips, splitting up a bag of potato chips. As three cool cats do three big flips for three cool chicks. Yeah, three cool chicks. Well, I bought the first cool cat. He said, "Man, look at that. Man, do you see what I see?" Well, I want that middle chick. I want that little chick. Yeah, man, yeah, one chick for me. Hey. Well, three. Chicks, three cool chicks. Well, they look like angels from up above. And three cool cats really fell in love. But three cool chicks made three fools out. Three cool cats, three cool cats. Three Cool Cats des Beatles qui sont eux bien vivants et observés dans leur état macroscopique déterministe. Nous parlons du chat Schrödinger, enfin nous parlons d'Erwin Schrödinger surtout. Avant le chat, on n'a même pas encore évoqué le chat, mais on va y venir. Il nous reste une vingtaine de minutes, on devrait y arriver. Nous en parlons avec Charles-Antoine qui est maître de conférence à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée et auteur de Schrödinger à la plage, la physique quantique dans un transat, c'est chez Duno, et avec Michel Bitbol, chercheur en philosophie des sciences, directeur de recherche CNRS aux archives Husserl de l'école Normale Supérieure intérieur et traducteur d'Erwin Schrödinger, notamment bien physique quantique et représentation du monde, qui est l'article dans lequel il évoque le chat. On va y revenir dans quelques instants. Peut-être un mot avant cela, parce que c'est important de le comprendre. On parle de cette interprétation de Copenhague. Qu'est-ce que c'est, Michel Bidbot, que cette interprétation de Copenhague? On la dépeint souvent comme le plus grand débat scientifique de la physique contemporaine. Oui, alors l'interprétation de Copenhague, c'est une agrégation de plusieurs pensées venant de plusieurs auteurs, essentiellement Heisenberg, Bohr et Pauli, sur la mécanique quantique, et qui faisait une sorte, effectivement, de synthèse entre des théories assez différentes et assez disparates. En particulier, ils ont fait la synthèse entre la mécanique matricielle et la mécanique ondulatoire, entre la mécanique de Heisenberg et la mécanique de Schrödinger. Donc, les deux existaient à l'époque, et le problème, c'est que selon Heisenberg, Schrödinger avait en quelque sorte transgressé le pas fondamental que lui, Heisenberg, avait fait auparavant, puisque lui, Heisenberg, avait dit « Désormais, nous n'aurons plus d'image du monde et nous nous contenterons de tableaux de quantités qui représentent les observables. » Alors que Schrödinger, lui, donnait une image du monde, mais une image totalement ondulatoire, sans particules. C'était absolument extraordinaire. Et donc, il y avait cette tension. Schrödinger a très vite montré qu'en vérité, sur le plan mathématique, l'une des théories était absolument équivalente à l'autre. Pas de problème, elles étaient absolument intertraductibles. Mais Heisenberg continuait à refuser les concepts de Schrödinger. Et là, Bohr est arrivé et a dit « Non, finalement, il faut admettre que les deux théories représentent deux images qui sont à la fois conjointement indispensables et mutuellement exclusives pour voir le monde. » Les deux images qui sont donc mutuellement exclusives mais conjointement indispensables pour voir le monde, c'est l'image corpusculaire et l'image ondulatoire. L'image du discontinu et l'image du continu. Heisenberg a poussé à fond l'image du discontinu et Schrödinger poussait à fond l'image du continu. Mais les deux sont indispensables. Et c'est ça l'interprétation de Copenhague qui est favorisée par Bohr. C'est une tentative étrange de conjoindre les deux dans un concept que Bohr a appelé la complémentarité. La complémentarité onde-corpuscule. Attention, la complémentarité onde-corpuscule n'est pas la dualité onde-corpuscule. La dualité onde-corpuscule, c'est celle que pose De Broglie en 1923. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui s'associent, une onde et un corpuscule. Un corpuscule qui est piloté par l'onde, qui est en quelque sorte comme un surfeur sur les vagues. Alors que la complémentarité onde-corpuscule, ce n'est pas du tout ça. C'est deux images qui ne représentent pas la nature des choses, mais qui nous servent à nous, pour nous représenter nos actions dans les choses. Quelle est la différence fondamentale? La complémentarité onde-corpuscule porte sur deux images dont l'une et l'autre sont relatives à des moyens d'accès. Dans certains contextes, c'est-à-dire avec certains moyens d'accès, tout se passe comme si on avait affaire à des ondes. Mais avec d'autres moyens d'accès et dans d'autres situations, tout se passe comme si on avait affaire à des corpuscules. Mais en vérité, on n'a affaire ni à l'un ni à l'autre. Charles-Antoine, un mot peut-être sur cette interprétation de Copenhague, et puis il faut qu'on avance quand même jusqu'au fameux chat, parce que c'était un peu l'idée de cette émission, mais un mot, non, c'est ce qui est intéressant, parce qu'il y a cette interprétation de Copenhague qui va aussi ouvrir à ce débat autour de le passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire que puisque on est et on définit et qu'on a aujourd'hui un corpus suffisant pour définir cet état quantique de la matière, comment se fait-il que la matière au niveau macroscopique ne se comporte plus de façon quantique. Exactement. Et donc, on va peut-être en reparler, mais l'un des derniers prix Nobel français, Serge Haroche, en 2012... On va l'entendre dans quelques minutes. Voilà, exactement, a obtenu son prix Nobel en partie pour ses recherches sur des chats de Schrödinger, très particuliers avec des photons, mais essentiellement sur les phénomènes de décohérence. Et la décohérence, c'est... évidemment, il y a plusieurs acceptions de ce terme, mais plus généralement, plus globalement, c'est, comme vous disiez, la perte de propriétés quantiques, on pourrait dire, en tout cas propriétés quantiques visibles, lorsque on a des interactions très nombreuses, multiples. pour avoir une idée de ce que ça peut être, si vous prenez juste un atome ou une particule élémentaire, quelque chose d'élémentaire plutôt dans l'infiniment petit, c'est-à-dire là où la physique quantique s'applique à plein, parce que comme je disais tout à l'heure, la physique quantique elle s'est créée en réponse à des observations et des expériences qui étaient faites plutôt dans l'infiniment petit. Alors infiniment petit c'est assez relatif, c'est plutôt au niveau des atomes, des électrons, etc. Après on est reparti dans les deux sens, c'est-à-dire on est parti vers l'infiniment plus grand, c'est-à-dire on s'est rendu compte que les molécules c'était des assemblages d'atomes qui répondaient aux règles de la physique quantique, et puis à partir de là on a compris la liaison chimique, donc ce qui faisait pourquoi une table est solide, pourquoi une table ma main ne traverse pas la table, pourquoi un métal est conducteur, il conduit l'électricité, la chaleur, etc. Ça nous a permis de comprendre les semi-conducteurs, d'avoir toute cette industrie autour des transistors, donc de l'informatique, de l'électronique, etc. On est parti aussi dans l'infiniment petit, encore plus petit que l'atome, avec les accélérateurs de particules. On a regardé quelle était la sous-structure, s'il y avait une sous-structure de ces atomes, avec les protons, les neutrons, puis après les quarks dans les protons et neutrons, etc., etc., avec les gros accélérateurs de particules, et dernièrement le boson de Higgs en 2012. Et donc cette physique quantique qui était en réponse à des observations et expériences qui n'étaient pas compréhensibles, comme je disais aussi tout à l'heure, à essayer de répondre en balayant certaines certitudes. Et par exemple, pour la mesure, que ce soit la décohérence ou l'interprétation de Copenhague, les scientifiques de l'époque se sont posés des questions, donc comme disait Michel Bibold, de façon très très très bénéfique et très prolifique. Par exemple, des questions toutes simples sur de remise en cause des évidences sur ce que c'était qu'une mesure. En physique classique, d'avant la physique quantique, les gens se disaient, on veut mesurer par exemple la température de quelque chose, on prend un thermomètre, on mesure la température, on obtient une mesure. Et on n'imaginait pas que, par exemple, la température puisse ne pas exister. Donc ça, c'est un premier présupposé. La température de la chose existe. La physique quantique dit non, ça, c'est pas obligatoire. Deuxièmement, elle se présupposait qu'on pouvait avoir accès à cette température. La physique quantique dit non. Il y a certaines grandeurs, on ne peut pas y avoir accès. Troisièmement, la physique classique disait que la température qu'on mesure avec le thermomètre, elle représentait fidèlement cette vraie température de l'objet. La physique quantique dit non. C'est pas forcément fidèle. Et enfin, la physique classique disait que la température que vous obteniez après, elle représentait fidèlement ce qu'il y avait après la mesure. Et la physique quantique dit non, le fait d'avoir fait cette mesure peut perturber le système. Et là, on en revient à l'interprétation de Copenhague avec ce qu'on appelle le fameux problème de la réduction de la fonction d'onde, ou problème de la mesure, qui nous dit que, en fait, lorsqu'on fait une mesure en physique quantique, en tout cas, ce que l'on en comprend aujourd'hui, c'est qu'il y a une projection, une sorte de réduction, on a appelé ça réduction de la fonction d'onde en référence justement à cette fameuse fonction d'onde psi de Schrödinger, à une sorte de projection dans une sorte d'état, on appelle ça un état très particulier. Et ça, ce phénomène-là, et tous les autres phénomènes, donc type Schrödinger, c'est-à-dire les aspects ondulatoires, etc., qui se passent au niveau de quelques atomes ou d'un atome, lorsqu'on en prend plusieurs, ou lorsque cet atome est perturbé par son environnement, parce qu'il se fait bombarder par des ondes électromagnétiques, etc., etc., il va petit à petit perdre un petit peu ces aspects ondulatoires, et ça nous a permis, depuis une centaine d'années, de comprendre justement ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait qu'au niveau atomique, on observe des propriétés quantiques très fortes, par exemple dans des phénomènes d'interférence, de diffraction, etc., au niveau d'atomes, d'électrons, et puis au niveau d'un énorme paquet d'atomes, on n'a plus ça. Et donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de décohérence, et pour donner une image, c'est lorsque vous jetez un caillou dans une mare ou dans un étang, vous avez des beaux ronds concentriques qui vont s'étaler, un aspect ondulatoire. Si vous jetez une poignée de sable, vous avez un ensemble complètement incohérent, et la décohérence explique un petit peu pourquoi on perd petit à petit ses propriétés quantiques en passant d'un atome à une infinité, ou en tout cas à une grosse partie. Comment Schrödinger arrive-t-il à cette expérience de pensée qui a fait sa notoriété pour le grand public, qui est celle du chat, puisque c'est en gros, pour traduire ce que vient d'expliquer Charles-Antoine, que Schrödinger, dans sa correspondance avec Einstein, c'est Einstein qui le pousse, hein. Einstein était très friand des expériences de pensée. Comment en arrive-t-il à cette expérience du chat? Alors, Schrödinger était un petit peu étonné, si vous voulez, de l'interprétation probabiliste de la théorie quantique. Vous savez qu'en 1926, un physicien allemand, Max Born, qui a d'ailleurs travaillé beaucoup avec Heisenberg, a repris l'idée de Schrödinger, c'est-à-dire sa fonction psi qui était gouvernée par son équation, l'équation de Schrödinger, et il a essayé de lui donner une interprétation alternative. Psi, selon Born, n'était plus la représentation d'une onde réellement existante autour du noyau, comme le pensait Schrödinger, mais c'était la représentation de la probabilité de trouver un électron en un point. Cette interprétation probabiliste a été très discutée. Vous savez que Einstein ne l'aimait pas du tout. Et il a dit, comment peut-on avoir une physique qui porte uniquement sur les probabilités des choses? Elle doit bien être incomplète. D'ailleurs, la raison en est que selon Einstein, et je cite sa fameuse phrase que vous connaissez tous, Dieu ne joue pas au dé. C'est impossible que la nature soit simplement une nature comme ça, de hasard. Et par conséquent, Schrödinger, en 1935, a commencé effectivement à se demander qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un état qui nous décrit les choses, par exemple les électrons, les atomes, etc., de manière superposée. C'est un petit peu étrange. Et pour faire ressortir l'étrangeté de cette idée selon laquelle l'état était superposé, c'est-à-dire au fond incertain, c'est-à-dire déterminant uniquement des probabilités de présence, il a imaginé une expérience de pensée dans laquelle un chat était corrélé avec les atomes ou avec les électrons. Et cette corrélation avait pour conséquence que le chat lui-même devenait superposé. Il était mi-mort, mi-vif. Et du coup, Schrödinger a dit « Ceci est trop étrange pour être vrai. Ceci est loufoque. » Je cite son mot. D'accord. Et grâce à cette loufoquerie, enfin disons cette loufoquerie de l'état, d'un état mi-mort mi-vif, lui a fait penser que l'interprétation de la fonction d'onde comme une superposition devait bien être absurde. Et c'est ce problème qui va occuper les physiciens tout au long du XXe siècle jusqu'à Serge Haroche, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Charles-Antoine, prix Nobel de physique 2012, administrateur au Collège de France, qui a trouvé une solution expérimentale à ces problèmes de décohérence. Et vous êtes allé le rencontrer, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, Serge Haroche m'a en effet reçu au Collège de France et ensemble on a parlé de cette expérience qui lui a valu le prix Nobel de physique en 2012. Cette expérience, en fait, c'est une mise à l'épreuve de la célèbre expérience de pensée dite du chat de Schrödinger. Ce que Serge Haroche et son équipe ont cherché à éprouver, c'est la fameuse superposition d'états d'atomes quantiques, en l'occurrence des photons, et comment on passe de la cohérence quantique à la décohérence. En d'autres termes, comment on passe d'un état physique quantique à un état physique classique. Serge Haroche nous dit non seulement pourquoi cette expérience a un intérêt d'un point de vue théorique, mais aussi pourquoi elle apporte sa pierre à l'édifice des applications possibles de la physique quantique. L'expérience du chat de Schrödinger, personne ne pensait, personne ne pense qu'elle puisse être faite sous la forme où il l'a présentée. En fait, Schrödinger l'a présentée sous une forme très provocatrice. Il a décrit une situation où on intriquerait, on ferait interagir un système microscopique qui est un atome unique avec un système énorme, un système macroscopique qui est un chat. Et sous cette forme, l'expérience n'est pas faisable. En fait, lorsqu'on parle d'expérience de chat de Schrödinger, on parle de manipulation de petits systèmes quantiques et on fait une espèce d'ersatz de chat de Schrödinger avec quelques atomes ou quelques particules. Mais même à ce niveau-là, Schrödinger pensait que ce serait impossible. Il avait écrit dans un fameux article au début des années 50 qu'on n'arriverait jamais à manipuler des atomes, des molécules ou des électrons isolés et que ça ne pouvait se faire que dans le cadre de ce qu'on appelle les expériences de pensée. Donc ce que nous avons cherché à faire en fait dans nos expériences, c'est essayer de donner tort à Schrödinger, il nous avait mis en quelque sorte au défi de montrer que ces expériences seraient possibles. À l'époque de Schrödinger, elles étaient effectivement impossibles parce que la technologie n'était pas assez avancée et nous avons pu faire ce type d'expérience parce que nous disposions en particulier de lasers qui sont apparus que dans les années 60, c'est-à-dire après la mort de Schrödinger. Et ces lasers sont des instruments incomparables pour faire des expériences de manipulation très fines d'objets atomiques. Et donc c'est grâce à ces lasers qu'on a pu faire une expérience dans laquelle on ne manipule pas un véritable chat, mais on manipule un ensemble de particules quantiques, en fait dans notre cas un ensemble de photons. On les met dans une superposition d'états, un peu comme Schrödinger avait imaginé un chat vivant et mort à la fois, et on est capable d'observer expérimentalement comment cette superposition cohérente, cette superposition qui donne lieu à des effets quantiques spécifiques, disparaît au cours du temps. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la décohérence. Alors la décohérence, c'est un concept clé pour réunir physique quantique, physique classique. Qu'est-ce que vous avez établi qui vous a valu quand même le prix Nobel en 2012? Alors qu'est-ce qui vous avez établi par cette expérience? Bien, la décohérence, c'est le phénomène par lequel les aspects contre-intuitifs de la physique quantique s'évanouissent lorsqu'on considère des systèmes formés d'un grand nombre de particules. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une partie de l'information, enfin l'information quantique, se dilue dans l'environnement. Les systèmes quantiques, les systèmes de plus en plus gros, sont de plus en plus difficiles à tenir isolés de leur environnement. Et cette fuite d'informations dans l'environnement est le phénomène qui fait disparaître la cohérence quantique dans les gros systèmes. Et donc nous avons, dans notre cas, nous avons été capables donc d'isoler suffisamment un ensemble de photons dans une boîte aux parois très réfléchissantes et d'étudier un système dans lequel la décohérence évolue sur un intervalle de temps de l'ordre d'une fraction de seconde qui est mesurable expérimentalement. Alors que si on avait pris un très gros système, et je ne parle même pas d'un chat, la décohérence intervient en un temps qui est une fraction tellement courte de seconde qu'on est incapable de la voir et que le système devient tout de suite décohéré. Donc on a pu étudier la décohérence d'un petit ensemble de photons qu'on avait préparé dans une superposition de deux états et observer qu'en un temps de l'ordre d'un quelques centièmes de seconde, le système évolue vers un système classique dans lequel les interférences quantiques avaient disparu. Et on a montré également que cette disparition était d'autant plus rapide que le système était plus gros, ce qui est une indication de la limite entre le quantique et le classique. Et le grand défi qui se pose actuellement aux gens qui expérimentent ce genre de système, c'est d'arriver à maintenir la cohérence quantique le plus longtemps possible pour l'exploiter de façon intéressante pour des applications dont on peut peut-être parler aussi. Bah justement, ces applications, quelles sont-elles ? On parle par exemple beaucoup d'ordinateurs quantiques. Alors en quoi ces applications-là, aujourd'hui, sont le cœur de recherche en physique quantique ? Oui. Les applications de la physique quantique, elles sont extrêmement nombreuses dès maintenant. En fait, la physique quantique a révolutionné notre connaissance du monde microscopique et tous les appareils de la vie quotidienne, enfin un grand nombre des appareils de la vie quotidienne, commencé par les téléphones cellulaires, les lasers, les ordinateurs actuels, je ne parle pas des ordinateurs quantiques, fonctionnent sur des concepts quantiques, propriété des conducteurs, des semi-conducteurs, propriété des atomes qui émettent de la lumière dans les lasers, tout ça, ce sont des propriétés quantiques. Mais dans cet aspect-là, le quantique est souvent voilé. On peut décrire de façon phénoménologique la physique qui s'y passe en termes classiques. Un laser, essentiellement, la lumière d'un laser, c'est un champ électromagnétique classique. Ce qui se profile maintenant, c'est ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, dans laquelle on arrivera à manipuler des systèmes quantiques isolés, bien isolés de leur environnement, et on pourra exploiter directement l'étrange logique quantique, le fait qu'il existe des chats de Schrödinger, des superpositions d'états, et on espère, grâce à ça, être capable de développer un certain nombre d'appareils. Alors le plus emblématique, celui dont tout le monde parle et dont vous m'avez parlé, c'est l'ordinateur quantique, qui serait un espèce de super chat de Schrödinger qui calculerait en parallèle, dans lesquels le calcul s'effectuerait à la fois sur plusieurs voies, et à la fin, un phénomène d'interférence révélerait le résultat que l'on cherche. Alors, on en est encore très loin, parce qu'on ne sait pas quels sont les meilleurs candidats pour constituer les éléments de cet ordinateur. La décohérence est un formidable obstacle, mais on sait fabriquer des petits ordinateurs qui sont en fait un peu comme des jouets, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas, ils montrent que le principe fonctionne, mais ils ne permettent pas de calculer des choses qu'un ordinateur classique ne serait pas capable de faire, et on ne sait pas si cela va aboutir. Ce qui est intéressant, c'est, je pense, ce qui je trouve passionnant dans toute cette histoire, c'est cette interaction permanente entre la physique fondamentale et les applications technologiques. Les fondateurs de la physique, grand mérite, le mérite de gens comme Einstein, Schrödinger, Heisenberg, c'est qu'ils ont été capables, par la seule force de leur imagination et de leur intuition physique, de découvrir ces lois très contre-intuitives, alors qu'ils étaient incapables de faire des expériences qui permettraient de les mettre en évidence directement. Et ces expériences sont devenues possibles grâce au développement des lasers, des ordinateurs, qui eux-mêmes sont issus de cette révolution quantique. Et donc les instruments que la théorie quantique a permis de construire ont servi ensuite à valider les résultats de la physique quantique en une espèce de cercle vertueux dans lequel la théorie et l'expérience s'épaulent mutuellement et permettent à la physique de progresser. Et la vérité scientifique, c'est ça, c'est un échange constant, un dialogue constant entre théorie, observation, expérience. Et c'est quelque chose qui est fondamental, et je pense qu'il est essentiel que même des gens qui ne sont pas des scientifiques aient une notion, la compréhension de l'importance de cette façon de raisonner, parce que c'est ça qui nous donne une prise sur le monde. Serge Haroche au micro d'Antoine Beauchamp pour conclure cette émission que nous avons passée en compagnie de Charles-Antoine et Michel Bidbol. Merci beaucoup à tous les deux. Charles-Antoine, on peut vous lire Schrödinger à la plage, la physique quantique dans un transat, c'est aux éditions Dunod. Michel Bidbol, ou de vos traductions d'Erwin Schrödinger, une mécanique quantique, une introduction philosophique, c'est chez Flammarion aux éditions Champ Science. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lezen, Tom Humdenstock, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette de Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Bruno Gagnère Fontani à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, eh bien demain ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. On parlera d'algorithmique répartie, de matière noire et last but not least de votre sujet favori, allez avouez-le, on va reparler d'homéopathie demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.